On est toujours sur Radio Cayenne et on va faire un petit retour sur la manif de nuit non mixte féministe. On va faire ce retour en écoutant un petit peu de son de cette manif et en lisant le compte rendu qui s'appelle, enfin un des comptes rendus qui s'appelle Les Russes sont à nous, récit de la marche non mixte et féministe du 8 mars à Nantes, qui a été publié par Nantes Révoltée. On n'a pas encore de compte rendu des organisatrices de la manif. Et du coup, sûrement, on lira s'il y en a d'autres comptes rendus dans les semaines à venir. On commence par écouter un petit peu de son de cette manif et on revient tout de suite. Chaque manifestation nantaise se caractérise habituellement par un lourd dispositif policier. La marche nocturne féministe du 8 mars a apporté une première surprise. Pas un flic en vue. Les quelques 600 femmes et minorités de genre rassemblées sur la place Bouffay s'élancent joyeusement dans les rues de Nantes, enfin libres. L'ambiance est gaie et déterminée, la confiance règne. Après le cours des 50 otages, le cortège emprunte la rue de Strasbourg, interdite depuis plus d'un an aux manifestants et manifestantes. Des tags fleurissent sur la mairie, sous les applaudissements et les cris de joie de la foule. Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère. Ouais, je chante pas les slogans, désolé. Fières, vénères, pas prêtes à se taire. Qui va faire la vaisselle? Nous, on fait la révolution. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Etc. Vous les entendez en même temps, les slogans, normalement, en même temps que je parle. Les slogans s'enchaînent. La manifestation se dirige ensuite vers Duchessanne pour longer le cours Saint-Pierre, tag multiple. Puis vers la cathédrale pour rentrer dans les rues de Bouffay, où une partie de la tête de cortège entraîne la manifestation pour passer devant Begelstein, qui, comme à chaque manif féministe, en prend pour son grade. Sa terrasse est renversée, sa vitrine taguée. Ce magasin qui a fait sa pub sur la culture du viol n'a pas sa place dans nos rues. L'action est massivement soutenue par le reste du cortège qui poursuit sa route sous les applaudissements. La fontaine de la place Royale est envahie, des banderoles sont tissées à son sommet sous les cris de joie. C'est le seul moment où on apercevra une voiture de police banalisée. On remonte vers Gralin, on redescend vers Commerce, pour finir devant la préfecture, protégée par deux fourgons de CDI. Tout au long du défilé, l'ambiance aura été à la fois joyeuse et déterminée, le ton offensif et l'atmosphère chaleureuse. Les gestes portés ont été non seulement acceptés, mais en outre salués et applaudis, apportant une dynamique qui laisse penser qu'il est possible d'aller plus loin dans des manifestations féministes. Ceci d'autant que pour beaucoup, il s'agit aussi d'attaquer les institutions du patriarcat. Par ailleurs, le message est clair. Les gestes offensifs n'appartiennent pas aux hommes, les femmes en sont partie prenante également, et ce serait une grave erreur que de mésestimer notre force. Enfin, la réussite incontestable de cette marche est qu'elle nous a donné confiance dans notre potentialité d'action collective. Il s'agit de poursuivre dans ce sens pour que le féminisme révolutionnaire soit sur le devant de la scène. Et moi, je voudrais juste rajouter, parce que c'est dit que... les gestes offensifs appartiennent pas seulement aux hommes. Du coup, moi, je leur ai plutôt dit que les gestes offensifs, ils appartiennent pas seulement aux hommes cis, et que les femmes, les trans, et aussi les personnes qui se reconnaissent pas dans la catégorisation de genre, pardon, les personnes intersexes aussi, etc., sont partie prenante de ces gestes offensifs. Voilà, je voudrais pas résumer cette manif à seulement une manif de femmes. C'était pas que une manif de femmes, c'était pas une manif de femmes cis. Et voilà, je sais pas si c'est clair de le dire comme ça. On écoute encore un petit peu de son et après il y aura un petit morceau de musique. Ha ha ha ha!